Jalousie de destin d'une ébée qui boit sur cette tasse au baiser de vos lèvres. J'use mes feux, mènerons discrète d'abus. Sure.